je vais vous la conter avant de vous quitter. L'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je dansais en frappant du tambourin. Mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait. Mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes. La femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel. La veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis. Même moi. Mais moi, Gigi aimait trop sa liberté. Jusqu'au jour où... Une riche américaine, à grands coups de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les Caruso, lui disait-elle jusqu'à en perdre haleine. Nous voilà à la gare, avec tous nos mouchoirs, le cœur serré ému par ce grand départ. On était fiers qu'il dépasse nos frontières. Gigi partait conquérir l'Amérique. Et quand il arriva, le village était là. Gigi. Quand le train eut disparu, nous sommes tous rentrés chez nous. Mais le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son four. La femme du notaire, par désespoir, prit plusieurs amants. Et la veuve du colonel ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde fois. Oui, le village avait bien changé. Et moi? Les années ont passé. Cinq hivers, cinq étés. Non, nous, c'était good news, on nous avait dit. Il a fallu du cran, du courage et du temps pour arriver à continuer sans lui. Et malgré son absence, la nuit dans le silence, oublions nos costumes et nos instruments. On entendait venir comme une larme, un soupir du fond de la salle, cette mélodie. Croqueur d'amour, l'œil de velours, comme une caresse. Gigi. Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? À Attends, laisse-moi te regarder. Mais tu pleures? Tu pleures, Chichi? Ça n'a pas été là-bas, hein? Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent, ces Américains, à part le rock et le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça, Gigi l'Americano? Et invece no, tu es Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini, et tu es napolitain? Écoute. Giorgio s'est mis à la guitare. Attends! Sandro est là aussi! Mais tu ne peux pas t'en aller comme ça! Ici, tu es chez toi! Ici, tu es le roi! Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là! Ils ont dû te reconnaître à la gare! Chante, Gigi, chante! C'est un public! Chante pour eux! Chante pour moi qui n'ai jamais su te parler! Oui! Vas-y! Bravo, Gigi, chante! Bravo! Carmela! Carmela! Lo sai che arriva tu, Gigi, dall'America? Cesarina! Cesarina, scendi! È arrivato Gigi da Hollywood! Dico io che è arrivato, scendi, no? Guaglione, come? Come? Vai a dire a Zio Gennaro! Che